l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la 7e émission, nous avons vu comment la socio-économie canadienne se fragmente à la fin du 18e siècle, comment le Canada devient une mosaïque de morceaux d'économie dont les vies séparées commencent à être harmonisées lentement mais de plus en plus fondamentalement par les forces du marché. Cette semaine, nous chercherons à montrer comment cette tendance s'accélère à la toute fin du 18e et dans la première décennie du 19e siècle. Comment une modernisation de la socio-économie canadienne éclate sous forme d'institutions nouvelles. Mais surtout, comment l'économie canadienne commence à ce moment-là d'être synchronisée aux grandes pulsations du capitalisme commercial mondial. À la fin du 18e siècle, on sent déjà des modifications dans le degré de sophistication de l'organisation économique. Surtout après 1794, moment où, de par le traité de Jay, pour une période de 135 ans, on voulait assurer, au nom du principe du bon voisinage, le droit de libre circulation des citoyens canadiens et américains d'un pays à l'autre. Évidemment, comme bien des traités, celui-ci venait ratifier une situation de fait, mais il reste que cette paix formelle, rétablie entre les deux régions, devait marquer le début d'une expansion rapide du commerce avec les États-Unis. Le degré de commercialisation de l'économie était déjà grand, tel même que, en 1792, on avait fait le projet d'une banque canadienne. C'est un projet qui n'aboutira pas et qui n'était peut-être que l'effet d'écho au Canada de la création de la première banque américaine l'année précédente. Mais c'est en partie aussi le symptôme que le système financier existant laissait à désirer. Ce système financier existant, il était largement fondé sur l'émission de bons ou promesses de payer par les marchands et maisons de commerce. En un sens, toutes les maisons de commerce étaient banquiers en 1792. Le projet de banque n'aboutira pas à la fois à cause des guerres qui éclatent en Europe et à cause du fait aussi que les grands marchands jouaient suffisamment bien le rôle de banquier, pour le moment. Mais ce n'est là qu'un exemple de ces institutions, de ces arrangements nouveaux dont on commence à parler à mesure que les forces du marché se font davantage présentes. Déjà dans les années 1790, les habitants vendent leur blé à terme, c'est-à-dire selon des contrats spécifiant d'avance le prix qui sera payé pour le blé qui poussera l'été suivant. C'est à ce moment-là aussi que les ressources du capital, du travail et de la terre se font plus mobiles, le marché venant remplacer les institutions hiérarchiques centralisées de l'Ancien Régime. C'est l'érosion des formes de liens maître-apprenti. C'est l'émergence d'un mode d'aliénation, de répartition des terres, différent du régime seigneurial, une adaptation canadienne du régime américain dit du « leader and associate », lequel deviendra d'ailleurs une forme embryonnaire de société commerciale non incorporée. Tous ces changements, tous ces ajustements viennent du marché envahissant et de la commercialisation accrue qui, comme une vague de fond, emporte les anciens arrangements et crée le besoin institutionnel nouveau. C'est là une explication des changements dans la socio-économie canadienne qui a sa source dans le monde atlantique, qui suggère que la socio-économie canadienne est petite, ouverte, balkanisée, et que donc les forces qui vont la transformer, qui la transforment dans la première décennie du 19e siècle, eh bien que ces forces sont largement extérieures, externes. En ce sens-là, la socio-économie canadienne du tournant du 19e siècle est simplement entraînée dans un grand mouvement aux dimensions mondiales qui, depuis les années 1790 jusqu'en 1820, marque l'accélération du volume de commerce mondial, de la production mondiale. C'est une impulsion qui entraîne le Canada dans un mouvement de transformation et de modernisation. À cette explication plus externe du processus de développement du Bas-Canada au tournant du 19e siècle, s'oppose une autre explication, plus interne celle-là, et qui place au centre du tableau une crise agricole dans le Bas-Canada en 1802. Crise agricole qui serait, en 1802, une véritable cassure, une cassure dont il faut chercher la source dans une défaillance de la production locale, une crise agricole qui donnerait le ton à toute la vie socio-économique de la première décennie et qui expliquerait les tensions socio-ethniques des années 1800. Monsieur Jean-Pierre Wallot, du département d'histoire de l'Université de Montréal, est un tenant de l'explication plus externe, celle pour qui le moteur de la socio-économie canadienne autour de 1800, c'est le marché atlantique. Ceux qui soutiennent qu'il y a crise agricole ont tendance à considérer l'agriculture comme l'élément essentiel, le moteur de l'économie. Alors, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère que, surtout dans une économie coloniale et certainement dans les économies du 18e, 19e siècle, c'est le commerce qui est le moteur du développement économique. Et par conséquent, l'agriculture n'est qu'un morceau, un morceau important sans doute, mais qu'un morceau dans un ensemble qui est beaucoup plus complexe. Donc, déjà au départ, même si l'agriculture allait mal, disons, ça ne veut pas dire que l'ensemble de l'économie va mal. Et si on regarde l'ensemble des graphiques ou des statistiques de tous les historiens sur les exportations, importations, sur les salaires, etc., on se rend compte que ce n'est certainement pas une période de difficultés économiques très grande. Au contraire, c'est une période qui semble être une période d'enrichissement. Maintenant, si on regarde le secteur agricole plus particulièrement, effectivement, le professeur Ouellet affirme qu'en 1802 se produit une cassure, non pas douce ou un début, une amorce, mais vraiment une cassure brutale qui amène une crise très grave dans l'économie agricole et qui crée ou qui aurait nourri le nationalisme canadien-français qui apparaîtrait autour de 1805. Donc, quelques années, cette misère aura engendré des revendications très violentes qui s'exprimeraient ensuite dans un nationalisme qui serait une sorte d'exutoire pour la misère. Alors, son argumentation, évidemment, on pourrait la résumer ainsi. D'abord, il postule, il constate qu'il y a une chute des exportations après 1802, et ce n'est pas surprenant puisque 1802, c'est le sommet de toutes les exportations avant de tomber dans la deuxième moitié du 19e siècle, les exportations de blé, s'entend. Ensuite, il postule que le marché de Londres étant ouvert, que cette chute traduit effectivement un manque à produire, un manque d'offres. Il postule aussi que les cultivateurs canadiens sont très conservateurs, qu'ils n'ont pas adapté leur méthode, et ce qui causerait la crise, c'est le surpeuplement des terres. Donc, s'il y a surpeuplement et en même temps mauvaise technique agricole, donc faible rendement, vous avez une crise qui elle-même enchaîne en série la pauvreté, etc., etc. Vous parlez de postulat, M. Wallot. Est-ce qu'en fait, le professeur Ouellet n'a pas démontré la véracité de ces postulats? Il me semble que ces postulats ne sont pas vérifiés, non seulement ne sont pas vérifiés, mais qu'on peut démontrer qu'au contraire, à la fois dans les revenus des habitants, revenus qu'on peut mesurer soit par des méthodes indirectes calculant le revenu d'un habitant par rapport au prix, par exemple, ou encore pendant les revenus des paroisses, les revenus des seigneuries, ou encore des espèces d'examens post, comme par exemple les inventaires après décès, où on peut suivre le cheminement de la richesse des gens à travers le temps. Il me semble qu'il y a enrichissement des cultivateurs, mais il y a un phénomène aussi qui se produit, qu'il ne faut pas oublier, c'est la diversification sociale, c'est-à-dire que des habitants deviennent plus riches, le groupe des moyens se détache, et d'autres, évidemment, deviennent moins riches ou moins importants qu'auparavant. Mais en gros, il semble bien qu'il y a enrichissement au moins jusque vers les années 1820. Par la suite, la situation est probablement différente pour toutes sortes de raisons. Mais certainement qu'avant 1820, à part ça, il serait absolument impossible, je crois, de démontrer qu'il y a chute des rendements et qu'il y a surpeuplement. Surpeuplement, imaginez le Québec qui a 165 000 habitants, 170 000 au maximum vers 1789-90. Peut-on imaginer que cette population a occupé toutes les terres fertiles de la vallée du Saint-Laurent en 20 ans à peine et que ces bébés aux couches ont déjà épuisé les terres, les nouvelles terres qui sont dans la région la plus fertile, c'est-à-dire la vallée du Richelieu, par exemple, à mon avis, c'est impensable. D'autant plus que les anciennes terres du Saint-Laurent, occupées depuis plus d'un siècle, auraient dû flancher auparavant. Donc, je crois que le problème de la crise agricole est mal posé, et que le malaise se pose plus tard et que même lorsqu'il se pose, il peut se poser en termes bien différents de ceux qu'on a déjà évoqués. Par exemple, il est certain qu'il se crée un prolétariat rural dans les années 20 et les années 30. Donc, il y a un manque de terres. Mais ceux qui ont des terres, eux, sont-ils plus mal en point? Ce serait une question à vérifier. Est-ce que c'est vrai partout? Est-ce que la crise se concentre dans certaines régions? Pourquoi le soulèvement rural n'a lieu que dans le pourtour de Montréal en 1837-38? Alors, toutes ces questions-là appellent des enquêtes qui n'existent pas encore de façon fouillée. La première décennie du siècle, donc, M. Wallot, ce ne serait pas pour vous l'occasion d'une crise agricole, mais plutôt l'occasion de la restructuration et de la modernisation de l'économie. Est-ce que les incitations, les possibilités, les opportunités nouvelles offertes par la montée du bois vont faire la démonstration que l'économie du Québec à l'époque était capable d'enregistrer ces signaux et de répondre vite à ces nouvelles demandes de nouveaux marchés? En fait, si on peut imaginer que de 1807 à 1811, par exemple, le volume des exportations quadruple. Et quand je dis quadruple, ça passe de à peu près de 30 000 tonnes à 120 000 tonnes d'exportation, dont 75% sont en bois. Ça suppose la mobilisation extrêmement rapide d'une main-d'œuvre importante, des milliers d'hommes envoyés, organisés, et qui apporte, si vous voulez, font descendre ces radeaux de bois jusqu'à Québec. Ça suppose un système de crédit, des commandes d'Angleterre. Donc, ça suppose une organisation économique, finalement, beaucoup plus raffinée que dans le cas des fourrures, qui fonctionne beaucoup mieux. Et je crois que c'est quand même une explosion assez foudroyante et qu'elle ait réussi. Ça, c'est assez étonnant. Justement, ça démontre une capacité de mobilisation de la population, une capacité de réagir vite. Et en plus, il ne faut pas oublier que la population a dû fournir des marchés locaux beaucoup plus puissants. Toute cette main-d'œuvre qui va dans le bois, ces milliers d'hommes sont tirés de l'agriculture. Il faut les nourrir. Et eux ne produisent plus. Donc, ça suppose une réorganisation interne très importante, avec en plus, sinon la naissance, dans certains cas, le développement de chantiers navals qui produisent 3-4 fois plus. Vous avez aussi des investissements militaires extrêmement importants dans le domaine de la construction. Des investissements de plusieurs centaines de milliers de livres anglais, ce qui veut dire multiplier par 24 pour avoir les livres françaises. Donc, vous voyez que c'est des investissements absolument prodigieux. Et tout ça en l'espace de 5 à 10 ans. Je crois qu'une économie qui est capable d'absorber cela, de se réorganiser et de réagir positivement, c'est une économie saine. Ça ne peut pas être une économie malade. La controverse autour de l'existence d'une crise agricole dans le Bas-Canada, qui est le gros de la socio-économie canadienne au tournant du 19e siècle, eh bien, cette controverse dure depuis un bon moment, depuis les années 1960, moment où l'hypothèse de la crise agricole a été développée par le professeur Fernand Ouellet de l'Université d'Ottawa. Dans sa forme originale, cette hypothèse d'une cassure brutale en 1802 a été fortement critiquée. Aussi, le professeur Ouellet, peut-on dire, a nuancé quelque peu sa pensée dans des travaux récents. Toutefois, même dans cette forme plus nuancée, version 1980, l'explication donne une importance déterminante aux facteurs internes. Le professeur Ouellet n'a pas abandonné l'idée d'une crise agricole comme élément central. Il paraît peut-être simplement moins catégorique quand arrive le moment de déterminer à quel moment exactement l'impact de cette crise se fait vraiment sentir. Et je me suis aperçu, évidemment, que si je prenais mes séries chiffrées, la brisure ne se produisait pas en 1760, comme les historiens francophones l'avaient dit d'une façon générale, elle ne se produisait pas au moment de la Révolution américaine, comme Creighton l'avait dit, mais elle se produisait au début du 19e siècle. Or, ce que j'ai observé au début du 19e siècle, c'est non seulement une transformation dans l'agriculture, mais c'est une transformation, c'est le début du déclin de l'économie des pelleteries, c'est l'émergence du secteur forestier, c'est le début aussi de la rareté des terres qui va permettre, comme on disait, de recréer un réservoir de main-d'œuvre qui va permettre l'expansion de l'économie forestière. Et pour moi, disons, la transformation structurelle dans l'économie qui s'engage au début du 19e siècle devient le moteur d'une crise, disons, non seulement économique, d'une crise démographique, d'une crise sociale, parce que ça déclenche les luttes de classe, les conflits de classe, et finalement d'une crise politique qui va aboutir aux insurrections de 1837. Vous voyez, c'est une interprétation qui est fondée, disons, sur l'antériorité, sur le déterminisme économique, de l'économique qui qui crée la crise, qui est à l'origine de la crise. La crise va se diffuser dans les autres secteurs, va se répercuter par un retour des choses sur l'économie et la démographie, de sorte qu'on va arriver à une crise globale qui va aboutir aux insurrections de 1837. Est-ce que ce serait mal représenter les débats autour de cette crise agricole, M. Ouellet, que de dire que l'accord semble faire pour dire qu'il y a une transformation de l'économie et de la société dans le Bas-Canada, mais que les désaccords sont surtout au niveau de la nature de cette transformation, qu'il y a donc accord sur le fait qu'il y a une discontinuité importante dans l'histoire du pays à ce moment-là, mais que certains ont dit que c'était plus une modernisation, une transformation des structures dans le sens d'une modernisation, et d'autres, comme vous, ont dit qu'il s'agissait plus de phénomènes nouveaux qui enclenchaient une crise. Ouais. C'est-à-dire que je suis d'accord que la crise va être à l'origine d'une modernisation d'un certain côté. Mais pour moi, les agents de la modernisation ne seront pas les mêmes que les agents de la modernisation pour l'autre groupe. Pour moi, il y a deux groupes qui sont des agents de modernisation d'une façon différente. Vous avez la grande bourgeoisie anglophone, au fond, qui amène le capitalisme. Cette grande bourgeoisie anglophone va être un instrument de modernisation des structures économiques et par conséquent de remise en question des structures sociales ou des institutions anciennes. Mais il y a un autre groupe qui est un agent de modernisation, ça va être surtout au niveau politique, ça va être les nouvelles classes moyennes francophones qui vont émerger. Au niveau politique, je pense que, on peut dire que derrière leur projet politique, évidemment, il y a une pensée, une articulation sur la pensée libérale ou démocratique. Mais moi, ma thèse à la fin, quand je me dis, c'est que finalement, cette pensée démocratique qui est associée à un projet nationaliste, cette pensée libérale, finalement, c'est une pensée qui ne parvient pas à déboucher sur une remise en question des structures sociales d'Ancien Régime. Par conséquent, elle est conservatrice parce qu'elle tend à valoriser comme des institutions nationales des institutions qui sont d'Ancien Régime. Là, c'est à ce niveau-là qu'est ma thèse. Tandis que l'interprétation, disons, qui a été émise par Jean-Pierre Wallot et Gilles Paquette, c'est une interprétation qui tend à dire que cette bourgeoisie francophone est devenue à tous égards aussi un agent de modernisation de l'ensemble de la société. Actuellement, je suis convaincu que j'ai raison, mais je ne dis pas, par exemple, que dans 20 ans, évidemment, j'aurai raison. Ça, il va couler de l'eau sous les ponts d'ici cette époque-là. Monsieur Ouellet, si on examine le moteur de cette crise dans ce plus court terme de la première décennie, il existe là des tensions socio-ethniques, des tensions sociopolitiques que vous avez attribuées au fait que, si je vous résume bien, les difficultés agricoles ont été réverbérés dans le revenu des nouvelles classes moyennes, des classes professionnelles qui vivaient du peuple et de leurs revenus, et que ces classes moyennes, ayant une perte de revenus, ont politisé la situation, et ce que vous appelez le premier nationalisme canadien-français, émergeant dans la première décennie du 19e siècle, aurait donc été enclenché par la crise agricole. Est-ce que ce mécanisme-là, tel que je décris, là, correspond assez bien au mécanisme sociopolitique que vous avez défini pour la première décennie? C'est-à-dire, oui, jusqu'à un certain point. Pour moi, la crise agricole va devenir un élément qui va affecter la situation de la paysannerie, qui va la préparer à recevoir le message qui va être, distribué par ses élites. Il y a un deuxième facteur qui va les préparer à les distribuer, c'est la pression démographique, le commencement d'une pression démographique. Pourquoi? Parce que la pression démographique, à mesure qu'on approche la deuxième et la troisième décennie, la pression démographique va devenir un facteur qui va être extrêmement déterminant. Parce qu'il y a une rareté de terres dans les campagnes et l'immigration massive arrive des îles britanniques, des gens qui veulent des terres. Il y a une deuxième chose, c'est dans les villes. La pression démographique aurait pu être minimisée si les gens avaient pu quitter les campagnes pour aller dans les villes. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à la même époque arrive une masse d'immigrants qui sont des journaliers, qui sont des gens naturellement sans terre, mais qui sont des journaliers qui viennent offrir leurs services dans les villes au salaire qu'on veut bien leur donner. De sorte que les francophones des milieux populaires se trouvent à la fois coincés dans les campagnes et coincés dans les villes par l'immigration massive dans un contexte de rareté des terres et de difficultés d'ordre économique. On est à quel moment exactement? On est dans les années 1820 et 1830. Au fond, le gros problème pour le paysan dans les campagnes, si on veut bien se placer dans sa perspective, c'est que non seulement sa situation économique se détériore, mais en même temps, la rareté des terres menace, disons, la stabilité des grandes familles. C'est la famille, l'unité rurale, l'unité de base, disons, des communautés rurales qui est menacée. Derrière la rareté des terres et derrière, au fond, le problème agricole. C'est ce qui va amener, comprenez-vous, leur sensibilisation. Hein, c'est pas parce que les paysans francophones vont détester les Anglais de toute éternité qu'ils vont réagir. Ils vont réagir parce que ces anglophones qui arrivent d'une façon massive dans les villes sont des gens qui arrivent qui veulent des terres. Ils veulent des terres et il y a une rareté de terres dans les campagnes chez les paysans et il y a une rareté de travail dans les villes pour les ouvriers canadiens français. Alors, à ce moment-là, vous voyez la relation avec le nationalisme. Tout le monde est d'accord que dans les années 20 et 30, on a cette grande poussée démographique qui va engendrer toutes ces pressions dont vous parlez. Est-ce qu'en fait, les mêmes facteurs vont jouer dans la première décennie? La pression démographique, elle n'a pas commencé à s'exercer d'une façon générale. Elle a commencé à s'exercer même dans certains cas dès la fin du 18e siècle, dans certaines paroisses autour des villes. Ce n'est pas un processus qui est général, qui est global. Et là, on le retrouve dans des paroisses, prenez par exemple dans une paroisse comme Charlebourg, on voit déjà une saturation démographique dès la dernière décennie du 18e siècle, c'est-à-dire dans un certain nombre de paroisses situées autour de Québec et de Montréal. Et c'est ça qui va déterminer, par exemple, le peuplement de la Beauce. Ce sont les pressions, le commencement des pressions démographiques dans les vieilles paroisses situées le long du fleuve ou près des villes qui vont amener des mouvements de colonisation vers la Beauce. Hein, la construction de la route Craig, par exemple, qu'est-ce que c'est la construction de la route Craig? C'est autant pour acheminer les produits agricoles des États-Unis vers le Bas-Canada que de permettre au surplus démographique de Lévis, de Dorchester, par exemple, de Charlebourg, d'aller s'établir dans la Beauce, parce que la poussée de colonisation de la Beauce, c'est la fin du 18e et le début du 19e. Pour moi, disons, la pression démographique ou la crise agricole, c'est pas un processus subi. Il y a une sorte de décrochage, comprenez-vous, de crise dans laquelle vous avez des facteurs à long terme et à court terme qui se produisent pendant la première décennie du siècle, mais c'est un processus qui est progressif et qui va se diffuser avec toutes sortes d'autres facteurs qui vont intervenir. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de complexe. Comme le disait le professeur Ouellet, le problème de la crise agricole est complexe. Et comme le fichier documentaire est incomplet, on peut comprendre que ces deux interprétations gardent leur tenant. Cependant, malgré les désaccords quant à l'importance de l'agriculture, quant à la nature de la demande pour le blé ou pour les autres denrées agricoles, quant à la nature de la rareté des terres dans la première décennie, ou quant à l'efficacité des techniques agricoles utilisées, ou encore quant au niveau de revenus et de richesse des habitants, quant à la vitesse de réaction des Canadiens français aux signaux du marché, il reste que deux grandes forces sont au cœur de la crise agricole. La surpopulation, qui ne peut venir qu'avec les grandes immigrations, bien après la première décennie, dans les années 20 et 30, M. Ouellet l'a dit, et puis le conservatisme des Canadiens français, un conservatisme que le professeur Ouellet utilise souvent comme élément d'explication et qui a été utilisé bien souvent depuis par d'autres pour expliquer le retard économique des Canadiens français. j'ai demandé au professeur Ouellet de m'expliquer comment il pose le problème du conservatisme des Canadiens français. Le problème du conservatisme, je le pose à partir du début du 19e siècle. C'est-à-dire que pour moi, il y a cette crise économique qui se produit, cette crise économique qui s'engage au début du 19e siècle et qui va exiger, qui va créer une pression pour une transformation rapide des pratiques agricoles des habitants. Et là, l'habitant qui est pressé va refuser. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réaction que j'appelle une réaction conservatrice. Il se sent menacé par une pression trop rapide pour la transformation de ses pratiques agricoles. C'est en ce sens-là, moi, que j'ai utilisé le mot conservateur ou que j'ai utilisé le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène de la résistance des mentalités. Hein? Et c'est pas mal le terme mentalité tel que je l'utilise. Je l'utilise pas dans un sens organique. J'ai jamais dit que les Canadiens français étaient organiquement, comprenez-vous, constitués de sorte qu'ils pouvaient jamais arriver, comprenez-vous, à avoir une agriculture productive. Au contraire, au 18e siècle, j'ai montré qu'ils s'étaient adaptés aux besoins du marché, tout simplement parce que dans le contexte normal où ils vivaient, mais qu'à partir du début du 19e siècle, là, il y a une sorte de résistance aux transformations des pratiques agricoles, encore là pour des raisons d'ordre économique, comme une sorte de réaction à la crise. Parce que ma crise économique, elle est fondamentale et elle réagit sur tous les groupes sociaux, mais qui vont réagir selon leurs dispositions. Que diriez-vous, M. Ouellet, à ceux qui vous diraient « on est d'accord avec vous sur l'importance de ce conservatisme, on est d'accord sur l'importance de la crise agricole comme moteur de changement de l'économie, mais plus tard, dans les années 1820 ou 30, pas vraiment au tout début ». Mais là, je peux répondre assez facilement quand même, disons, à certains points de vue. Prenez par exemple au début du 19e siècle. Il y a un secteur qui est en expansion, c'est le secteur du bois. Le secteur forestier est un secteur qui non seulement demande la main-d'œuvre dans les campagnes, mais qui demande des produits agricoles. C'est-à-dire qu'il y a un chantier, les chevaux mangent de l'avoine, ils mangent du foin, hein, et les hommes mangent du lard, mangent de la farine, du pain, et toute une catégorie de produits, comprenez-vous, qui sont pas seulement des viandes de boucherie, mais en même temps des produits laitiers, etc. Du beurre, du fromage, du sein doux. Bon. Moi, ce que je dis, c'est que l'arrivée de l'économie forestière est un facteur qui stimulait une transformation rapide de l'agriculture en fonction du marché, c'est-à-dire en fonction de l'élevage, et deuxièmement, la production du foin. Bon. Alors, comment se fait-il qu'à partir de 1806, précisément à partir de 1805-1806, eh bien, l'essentiel des produits qui sont consommés à la fois dans les villes et dans les chantiers, en viande de boucherie, en produits laitiers, sont des produits qui viennent des États-Unis et du Haut-Canada. Comment se fait-il? Alors, pour moi, si l'habitant avait été aussi flexible, disons, hein, aussi polyvalent, disons, qu'on veut le voir, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait transformé son agriculture en fonction du marché. Or, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé avec ces produits? C'est que les gains du côté de l'élevage, eh bien, s'échelonnent, se réalisent sur une période de 20 ans. Il faut 20 ans avant qu'on arrive à la fin des années 1820 pour avoir, disons, une augmentation des troupeaux. Mais encore là, moi, je trouve un autre problème à ce moment-là, c'est le problème de la qualité des produits. Ces produits-là ne sont pas des marchés qui sont compétitifs sur les marchés urbains, excepté pour une minorité. Je pense que là, on peut généraliser, mais il reste quand même qu'il y a des nuances qu'il faut faire pour certains groupes à l'intérieur. Mais pour moi, il y a un aspect fondamental. Si l'habitant québécois, comprenez-vous, n'avait pas réagi de la façon dont je crois, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait transformé son agriculture afin de l'articuler sur les besoins, la demande de l'économie forestière et de l'expansion des villes. Ce qu'il n'a pas fait. Est-ce qu'on peut dire que les différentiels entre la qualité de la terre, les conditions géotechniques, géographiques, climatiques, n'était pas une hypothèque importante pour l'habitant du Bas-Canada? Ça devient une hypothèque importante au début du 19e. À partir du début du 19e, lorsque la pression démographique existe dans les vieilles paroisses, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on est obligé d'aller coloniser vers l'intérieur, et là, la qualité des terres, à mesure qu'on va vers l'intérieur, c'est l'hypothèque, comprenez-vous, de la qualité déclinante des sols. Ça, je pense, c'est un élément qui est très important à prendre en cause parce que l'épuisement des terres par le blé dans ces paroisses-là, c'est quelque chose qui va venir très rapidement. C'est un phénomène qui se produit très rapidement si on le compare aux vieilles paroisses. Si vous prenez des paroisses comme Varennes, finalement, encore en 1831, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 180 minots par famille, c'est-à-dire par producteur agricole. 180 minots de blé, production de 180 minots. Ce sont des paroisses qui, depuis longtemps, comme on le voit, avaient eu un sol extraordinairement riche, dont la production avait plafonné après la Révolution américaine, c'est-à-dire les maximums se situent à peu près à la fin de la Révolution américaine dans la production, mais qui ont encore une production assez extraordinaire vers les années 1831. Pour Jean-Pierre Wallot, donc, les habitants ont réagi rationnellement et assez vite tout en allant travailler dans les forêts. Pour Fernand Ouellette, les habitants n'ont pas réagi assez vite. Mais l'accord est fait entre les deux parties sur le fait que la véritable révolution économique va venir dans la première décennie du 19e siècle avec l'impulsion extraordinaire que donne le commerce du bois carré, du bois qu'on exporte vers l'Angleterre, de la potasse aussi, un produit du bois. Jean-Pierre Wallot nous mentionnait plus tôt dans l'émission comment la socio-économie bas-canadienne s'était transsubstanciée, si l'on peut dire, sous la poussée du commerce du bois, faisant la démonstration ainsi qu'elle était capable de réagir, d'être sensible aux signaux du marché. Si le Bas-Canada ne s'ajuste pas assez vite pour certains, pour d'autres, l'économie du Bas-Canada continue, dans la première décennie, à s'ajuster, et c'est tout son appareil de production, son mode de fonctionnement qui change. Stanley Breault-Ryerson est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. La traite des pelleteries, qui reposait sur le travail des Amérindiens, le travail des Autochtones, d'abord, et ensuite le travail des facteurs, le travail des voyageurs et des employés directs de la compagnie, n'engendrait d'elle-même aucune industrialisation. Et ça faisait partie du drame de la Nouvelle-France. Il y avait d'une part l'absolutisme et tout ce qu'il y avait d'étouffant dans l'ancien régime, pour ce qui est de possibilités de développement autonome de manufacture, de production, développement de la division du travail, etc. Tandis que avec le bois, c'est l'abattage, la scierie et l'expédition, le transport. Et là, vous allez avoir des gens qui sont rassemblés au camp, les bûcherons. Vous aurez des collectivités, des gens qui travaillent en commun, évidemment, en concurrence entre eux, y compris Irlandais et Canadiens-Français, à certains moments, etc. Mais d'une part, au point de vue rapport du travail, vous aurez des concentrations dans les camps et dans les scieries. De façon moindre dans les scieries, mais dans les scieries, vous avez l'autre aspect qui est vraiment révolutionnaire au point de vue transformation de la société, c'est que petit à petit, ce sera mécanisation, ce sera ensuite d'abord hydraulique et ensuite à la vapeur, et développement, enfin, d'une industrie manufacturière indigène. Pour ce qui est de la technique, il y a quelque part, c'est dans l'ouvrage de Renaud, « Les origines économiques du Canada », je crois qu'il est vieux, de 1928, il cite un témoin vers 1740 qui va à une scierie. Et il dit, c'est extraordinaire, ils sont arrivés à faire marcher une scie mécanique au pouvoir hydraulique qui fait l'équivalent de 12 scies à main qui exigent 2 ouvriers chaque. Alors, une scie déplace 24 ouvriers. Mais c'est la mécanisation en Nouvelle-France. Alors, là encore, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas s'imaginer que c'est à ce moment-là que l'automation a été implantée, mais c'est pour souligner l'élément de continuité. Comment va résister tout le mode d'apprentissage ou l'apprentissage comme mode d'organisation du travail à cette explosion du bois, à cette commercialisation du début du 19e siècle? Ça va se désagréger. Mais là encore, graduellement. Mais je crois que c'est dans la période dont il est question en ce moment qu'on signale, y compris l'expression dans le nombre de cas d'apprentis qui désertent. Et donc des lois qui sont introduites, de lois de coercition ou de punition d'apprentis qui quitteraient le travail avant la fin de leur période d'engagement. Mais ça devient plus fréquent et la législation des maîtres et des serviteurs, le langage est significatif au 19e siècle. au Canada sera en 1847, mais déjà aux années 1820, il y a des mesures, des édits ou des mesures juridiques et administratives dirigées contre les apprentis, enfin pour discipliner, pour assurer l'encadrement plus solide des apprentis. Mais c'est quoi ça? C'est un aspect, pour moi, de ce qui arrive avec la vieille société communautaire qui subit une sorte de dislocation, une sorte de scission interne. Parce que l'apprenti, traditionnellement, il était censé être traité presque comme un fiston, enfin comme un membre de la famille. Mais certainement, cet élément de paternalisme et de rapport, on est tous une grande famille, ça ne peut pas durer. Avec le développement d'une division du travail plus poussée et surtout l'émergence de cette classe de gens, de cette catégorie de gens qui formeront effectivement une classe sociale, dont on a dit que la marchandise que le pauvre apporte au marché, c'est ses bras. Ça, c'était aux années 1820, hein, qu'on a dit en Angleterre, un bonhomme qui faisait une étude sur l'émigration, etc. Mais la marchandise qu'il apporte, c'est ses bras, ses mains. Ce que les Anglais appellent « factory hands ». En français, c'est des bras. Et ça me rappelle, je voudrais juste évoquer le fait qu'on a parlé vers la fin du 18e. Trouver dans les réflexions sur la formation et la distribution des richesses du grand financier Turgot en 1774, ceci. Le simple ouvrier qui n'a que ses bras et son industrie n'a rien qu'autant qu'il parvient à vendre à d'autres sa peine. Il la vend plus ou moins cher, mais ce prix plus ou moins haut ne dépend pas de lui seul. Il résulte de l'accord qu'il fait avec celui qui paie son travail. Celui-ci le paie le moins cher qu'il peut. Comme il a le choix entre un grand nombre d'ouvriers, il préfère celui qui travaille au meilleur marché. Les ouvriers sont donc obligés de baisser leur prix à l'envi les uns des autres. En tout genre de travail, il doit arriver, et il arrive, que le salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa subsistance. Ça, c'est pas Karl Marx, c'est Turgot au 18e. Mais ça décrit quelque chose qui, déjà sous l'Ancien Régime, se produisait avec l'émergence du travail salarié dans les chantiers navals, dans les manufactures royales, dans certains domaines. Hein. À quel moment est-ce qu'au Canada, on retrouve ce marché du travail dont nous parle Turgot en pleine opération? Le mot difficile est pleine, hein, je crois. En opération, il me semble, là encore, c'est une lente émergence, hein, parce qu'on dira... Comment se recrutent les voyageurs des compagnies de la traite des fourrures? Enfin, les jeunes qui veulent s'évader de la ferme, enfin, qui veulent l'aventure des pays d'en haut, etc. Mais il y a déjà un commencement, hein, ils embauchent des gens. Mais pour que ça se généralise, et je crois que c'est là le sens de votre question, il me semble que c'est seulement avec l'implantation de la grande industrie qui sera au milieu du 19e siècle. Mais précurseur, bien sûr, c'est un cas particulier comme celui de l'industrie du bois. Le commerce du bois va être le pôle de croissance qui va dynamiser toute l'économie canadienne à l'est des Grands Lacs dans la première partie du 19e siècle. Dans le Bas-Canada comme dans les Maritimes, la demande de bois par la Grande-Bretagne va non seulement donner lieu à une expansion de l'exportation de bois, mais, comme l'expliquait Stanley Ryerson, ce va être un engin d'industrialisation. Le Bas-Canada va devenir un centre de construction navale, les scieries vont se répandre. Mais pour le Haut-Canada, l'explosion du bois va aussi être, en un sens, un coup de départ, en particulier pour la région de l'Outaouais. La vallée de l'Outaouais, c'est une région de quelque 80 000 milles carrés, une région dont le potentiel agricole est négligeable, mais qui va trouver sa vocation économique avec le bois dans la première décennie du 19e siècle. En 1806, Philémon Wright, un entrepreneur venu du Massachusetts, va conduire son premier radeau, son premier train de bois, train de flottage, comme on les appelle, depuis la région de la Chaudière, à travers les rapides de Carillon et le lac Saint-Pierre, vers Montréal, pour exportation. Wright n'est qu'un de ces nouveaux acteurs, nouveaux entrepreneurs, qui vont être un effet de retombée du commerce du bois. Des entrepreneurs qui, avec un peu de capital et un certain goût du risque, vont mettre en place les fondements de ce nouveau groupe social qui va dynamiser le morceau nord-est du Haut-Canada. En fait, la grande montée du commerce du bois après 1804 et la guerre de 1812, cette guerre bizarre entre le Canada et les États-Unis, ces deux éléments vont marquer les moments importants dans cette modernisation du Haut-Canada. La première va toucher davantage, au début, les régions de l'est de la province, alors que la guerre de 1812 va développer le marché local dans le sud et le sud-ouest et contribuer à monétariser ce segment de l'espace économique canadien. Almoche Tachoni est un économiste historien de Pickering, en Ontario, et un spécialiste du développement de la socio-économie ontarienne. Il y a définitivement des bases qui ont existé au commencement du 19e siècle. Dans la vallée de l'Outaouais, le commerce du bois était fort et on voit le commencement de l'arrivée des gens qui ont cherché à épuiser le forêt. Et par ça, avec le commerce du bois, on avait aussi un marché pour les produits alimentaires. Dans la région du York, il y avait premièrement un marché déjà avec les immigrants loyalistes, avec l'existence de l'administration nouvelle de la province. Là, on avait aussi un commerce basé sur cet havre magnifique du Toronto et les routes construites par les soldats du gouverneur Simcoe. Dans la région de l'ouest de l'Ontario, on commence aussi à épuiser les forêts. Et là, le commerce du bois est orienté vers le lac Erie et un commerce avec les Américains sur l'autre côté du lac Erie. Est-ce qu'en fait, il existe des liens commerciaux entre ces trois segments de l'économie du Haut-Canada? Pendant cette époque, les communications ont été assez difficiles entre ces trois morceaux, particulièrement parce qu'il y avait un manque des chemins de fer, par exemple, ou même des canaux. Parce que les canaux ont été construits un peu plus tard. Cependant, entre Londres et Toronto, il y avait des routes déjà construites qui ont facilité un peu la communication, et particulièrement par les navires qui ont allongé le lac Erie et ont aussi utilisé le fleuve Thames qui est ouverte pour les navires de cette époque-là jusqu'à Londres. Arrive la guerre de 1812 et on se demande, est-ce qu'il existe des fondements économiques pour expliquer la guerre de 1812? La guerre de 1812 a peut-être des fondements économiques. Disons, il y avait des rivalités entre les Américains et l'Angleterre comme métropole. Et puis, les problèmes diplomatiques créés par les guerres napoléoniques et le blocade des havres européens contre le commerce américain et tout ce type de raisons ont un peu créé cette guerre qui a été plus ou moins un sideshow. Alors, pour l'économie du Haut-Canada, ces guerres étaient assez importantes parce qu'il y avait la création, premièrement, du marché basé sur la monnaie parce que les soldats ont reçu leur gage en forme de monnaie, en papier monnaie ou soit de l'or. Mais aussi, il y avait un peu la création d'une mentalité canadienne, disons. la guerre se servit comme une force d'unification. Et puis finalement, peut-être un des plus importants effets a été la construction du canal du Rideau qui passe du Bytown, maintenant Ottawa, jusqu'à Kingston, qui a cherché à remplacer la route du Saint-Laurent qui a été un peu trop proche à la frontière américaine et les nécessités militaires ont dicté cette autre route qui a servi à unir cette région de l'Outaouais aux autres régions près du lac Ontario. On sait, M. Tachoni, qu'à l'occasion de la guerre de 1812, on met en circulation un nouveau type de papier-monnaie, les Army Bills, une nouvelle monnaie de papier, la première depuis les monnaies de cartes qu'on avait utilisées à la fin du régime français. Pourquoi est-ce qu'on sent le besoin de créer, à l'occasion de la guerre de 1812, une monnaie de papier nouvelle, les Army Bills? Pendant les temps de guerre, à cette époque, c'était beaucoup plus facile de créer du monnaie de papier que transporter de l'or ou de l'argent de l'Angleterre pour payer les soldats. Et pendant une guerre, alors, il faut payer les soldats pour les garder dans l'armée, particulièrement dans une région basée sur l'agriculture où on laisse les familles chez eux. Et c'est pourquoi qu'on créera ce type de monnaie. Les effets de cette création, alors, c'est justement qu'on crée la chance pour les fermiers, pour les autres producteurs, à gagner un peu de cet argent. Et il y avait un effet induit par cette création d'une offre de monnaie. Disons que là, avec la monnaie, les fermiers peuvent acheter des autres produits venant de l'Angleterre ou soit d'autres pays. On voit donc à l'occasion de la guerre de 1812 la montée d'un marché local, un marché local fondé sur la guerre, mais qui va engendrer des effets de retombée sur la vie économique du Haut-Canada. Oui, exactement. Il y avait une plus grande circulation de l'argent en papier et aussi en or à cause des salaires gagnés par les soldats. Et là, ça a donné un peu de l'incentive, un peu de pression sur les fermiers, sur les autres producteurs. Mais la difficulté aussi, c'est justement c'est que la population était encore assez petite. Et si on utilise les forces de main d'œuvre pour faire la guerre, alors ça peut nuire les forces de production dans l'économie. Et il y avait aussi des fortes difficultés pour cette économie. Mais l'après-guerre, alors, on commence avec une base un peu plus liée et on continue avec l'émigration irlandaise pendant les années 20 et 30. On voit aussi ici le commencement d'une concurrence avec les Américains pour les produits de l'Ouest de l'Amérique, c'est-à-dire les produits alimentaires de Ohio, d'Indiana, d'Illinois, de toute cette région qui maintenant est un peu plus populée. Et là, il y avait les intérêts assez forts des marchands de Montréal et aussi des marchands en Ontario qui ont cherché à gagner un peu de ce commerce pour la route du Saint-Laurent et pour faire la fabrication par les moulins et tout ce type de l'industrie a commencé aussi à cette époque en Ontario. Disons avec les difficultés cycliques et les difficultés de l'ignorance des prix transatlantiques. Mais sans doute, c'était pendant ces deux décennies qu'on voit le commencement d'une agriculture qui est plus liée au grand marché du monde et un commencement d'autres types de l'activité économique avec les liens de capitaux, de l'investissement dans les canaux, la construction du canal Rideau comme route militaire, mais aussi il y a un peu amélioré les liens de transport entre Kingston et la vallée d'Outaouais. Et c'était à cette époque-là aussi qu'on voit le grand commerce des bois carrés et qui a donné une forte pression aux améliorations de la route du Saint-Laurent et aussi à la route d'Outaouais. L'explosion commerciale en fin de décennie va créer un besoin de modernisation et du système de communication et du système financier. Surtout que la production de métaux précieux dans les mines d'or et d'argent du Mexique et des colonies sud-américaines va tomber du 2/3 dans la seconde décennie du 19e siècle. Or, comme c'est là la grande source de devises pour le marché atlantique, l'augmentation du niveau de commerce en même temps que l'offre de métaux précieux fléchissant dramatiquement, cela va accentuer les pressions sur le vieux système financier et engendrer des pressions additionnelles pour sa modernisation, pour la création de banques. La mise en place des Army Bills avait joué un rôle de tampon durant la guerre, mais aussitôt qu'on va les retirer de circulation après la fin de la guerre, la pression se fera extraordinaire du côté des milieux d'affaires et l'on verra se créer la première banque canadienne, la Banque de Montréal, en 1817. Mais la guerre de 1812 ne va pas seulement avoir des effets bonifiants pour le Canada, pour les provinces du Haut et du Bas-Canada. Pour les provinces maritimes qui manquent de capitaux, la guerre sera l'occasion d'en accumuler grâce au privateering. Le privateering, c'est cette piraterie permise, officialisée, encouragée en temps de guerre. Piraterie qui rapporte gros, puisque les fonds obtenus de la vente du butin sont répartis entre les privateers et le gouvernement qui les patronne. Le privateering, c'est une piraterie non seulement tolérée, mais officialisée. Une piraterie de bon aloi, puisque par exemple John Richardson, l'un de ceux qui les premiers en 1792, suggère la création d'une banque canadienne, eh bien, John Richardson a d'abord fait carrière dans le privateering. Au cours de la guerre de 1812, une cinquantaine de vaisseaux des provinces maritimes feront du privateering. Ils vont capturer plus de 200 navires. La conjonction de la montée du commerce du bois et de la guerre de 1812, comme dans le Haut-Canada donc, va donner le coup d'envoi pour les provinces maritimes. Delmuse est un professeur d'histoire à l'Université Carleton. Vers le commencement du 19e siècle, les gens de Cap-Breton commencent à exploiter les mines de charbon pour servir le marché régional. Après la guerre avec les Américains, la guerre de 1812, les Anglais développaient un intérêt plus sérieux dans les mines de charbon, en particulier sur l'île de Cap-Breton. Pourquoi, M. Mews? Il veut développer les mines pour servir un marché dans les États-Unis. Un groupe de financiers britanniques vient de Nouvelle-Écosse dans les années 20 pour développer les mines de charbon. Il fait une transformation dans les mines de charbon. Il prend une technologie britannique et s'applique à les mines de Nouvelle-Écosse. Pendant les années après le rétablissement, il développait un marché en Boston et en New York et en Philadelphie. On sait donc, M. Mews, que tout ce développement dans le nord de la Nouvelle-Écosse se fait autour du charbon. Dans le sud de la Nouvelle-Écosse, ce n'est pas le charbon qui est important, c'est la construction navale. Est-ce qu'en fait, on peut dire que ce qui s'est passé au cours de la première décennie du siècle, autour de la guerre de 1812, a été important pour aider le développement de la construction navale? La guerre 1812 était une guerre d'opportunité pour les maritimes. En quel sens, M. Mews? Il avait l'occasion de participer dans un grand développement de leur pêcherie et il avait l'occasion de remplacer les Américains dans le commerce avec les Antilles. Aussi, pendant la guerre, il avait l'occasion d'utiliser les privateering contre les Américains et aussi contre les Français pendant les grandes guerres napoléoniques aussi. Mais ce privateering, cette sorte de piraterie officielle, contrôlée, officialisée, qu'est-ce que ce privateering a apporté à la Nouvelle-Écosse? Le privateering a apporté une grande source de capital qui s'est réinvesti dans la construction navale et aussi l'occasion de la transformation de la construction navale par l'application d'une technologie britannique qui viennent de Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick pendant cette période. Au commencement, les constructions navales en Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick étaient transformées par le commerce de bois avec les Anglais. Pendant cette période, la construction navale, en particulier en Nouvelle-Écosse et aussi à Saint-Jean en Nouveau-Brunswick, a accumulé assez de capital et assez d'expertise pour faire un take-off. Donc, dans les mots du professeur Muse, c'est le take-off dans les provinces maritimes. Pour ce qui est de l'Ouest, dans les 1800, la Compagnie du Nord-Ouest, par les œuvres de son agent Simon Fraser, instaure les bases de la Nouvelle-Calédonie et les fondements du commerce des fourrures continentales dans le centre de la Colombie-Britannique d'aujourd'hui. En 1812, c'est Selkirk qui s'installe à la rivière Rouge grâce aux largesses habiles de la Compagnie de la baie d'Hudson. En 1818, les négociateurs dans l'après-guerre de 1812 se sont entendus pour tirer la frontière canado-américaine au 49e parallèle, des lacs jusqu'aux Rocheuses. La concurrence sera vive entre la Compagnie de la baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest pour le contrôle du terrain, tellement que l'une et l'autre seront menacées de banqueroute et qu'elles feront une entente de fusion en 1821. Pour ce qui est de l'au-delà des Rocheuses, c'est encore un domaine controversé. Les contours du Canada actuel sont donc à peu près tracés, ce qui manque pour que ces divers morceaux de la socio-économie canadienne prennent pleinement vie. Ce sont des moyens de communication qui les rapprochent et c'est surtout une population plus forte qui les rentabilise, ces moyens de communication. La semaine prochaine, nous verrons comment se fera la montée d'un capitalisme commercial caractérisé dans la socio-économie canadienne et comment, après avoir accompagné l'économie mondiale dans sa grande vague à la hausse, la socio-économie canadienne va aussi la suivre en déclin dans les 1820. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, Jean-Pierre Loisel. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet, qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrec. Thank you.